Bonjour les citoyens du monde. Welcome to French Pod, America. Je m'appelle Amaury. Bonjour les amis. We have a very special intermediate lesson for you today. Exactement, Erika. We're going to be celebrating le 14 juillet. Oui, qui est un grand événement dans l'histoire française. That's right. Sometimes we know in English as Bastille Day. Mm-hmm. You guys call it what? Le 14 juillet est la fête nationale. It's like your Independence Day. Oui. Because it was on this day that the first event to led to the revolution. Oui. Which was the storming of the Bastille. Mm-hmm. La prise de la Bastille. Right. And so we're going to go back to that time right now. On va se retrouver en plein milieu. In this dialogue. Alors maintenant, on l'écoute ce dialogue. Citoyens, le grand jour est arrivé. L'heure de la révolution a sonné. Que se passe-t-il? Je viens d'arriver de la campagne. Tu n'es pas au courant, mon ami? Nous allons marcher sur la Bastille pour détruire ce symbole de l'injustice. C'est pour ça que tout le peuple est rassemblé? Oui, il est temps de mettre fin aux privilèges de la noblesse et du clergé. Je suis d'accord. Les richesses n'ont jamais été partagées équitablement. Alors, rejoins-nous. Je n'ai rien pour me battre à vos côtés. Prends cette arme, citoyenne. Aujourd'hui, nous allons entrer dans l'histoire. Well, if you don't know much about this day, it's okay. By the end of this podcast, you're going to understand what it was all about. Oui. So let's go through it from the beginning. We had a guy. He called everyone citoyen. C'est vrai. Il s'adresse à la foule qui est rassemblée. And then he said what? Le grand jour est arrivé. Now, first, this expression can be used in modern times too, right? Évidemment, on peut l'utiliser pour un mariage. Mm-hmm. C'est quand même important. Right, so on that day, on the wedding, you could say. Le grand jour est arrivé, pour une naissance aussi. Why is this le grand jour for the citoyen here? Car l'heure de la révolution a sonné. C'est le moment de se soulever. Yeah, everybody's gonna get up because the hour of revolution has rung. Mm-hmm. Okay, so somebody just came in and is like, hey, what's going on? Que se passe-t-il? What's all this? Big hoopla. Something's going on in the streets. Et oui, elle vient d'arriver de la campagne. Elle vient d'arriver à Paris. Where all the big stuff's going down. Voilà, donc que se passe-t-il ici? L'autre lui pose cette question. Mm-hmm. Il doit être surpris, tu n'es pas au courant. Yeah, how can you not know? Mm-hmm. You don't know what's going down? Enfin, nous allons marcher sur la Bastille. So, marcher sur. Oui. We're gonna walk on. Donc on a cette expression qui est facile à comprendre, marcher sur quelque chose. Uh-huh. Mais ici, il y a un sens qui est, on a l'intention d'en prendre possession. Step on it. Right. Marcher sur. Yeah. Mm-hmm. They're not just walking to it. Non. They're gonna marcher sur what? La Bastille. La Bastille. What is la Bastille? En ce temps-là, mm-hmm. la Bastille était une prison. Wait, first of all, what time is this anyways? What's the year here? Alors, on se trouve en 1789. So 1789, mm-hmm. at that time, la Bastille was a prison. Oui. And it was like a symbol, right? Exactement, parce que le peuple considérait que certaines personnes qui étaient emprisonnées étaient innocentes. That they were wrongly imprisoned. Voilà. Because why? Because they were saying stuff against the king and exactement. The parce system. Mm-hmm. Parce qu'ils avaient écrit des choses qui étaient contraires à ce que la monarchie pensait. Yeah, they were like censored. It was some censorship. Parfaitement. They got thrown to the Bastille. Mm-hmm. And right now, les citoyens ouais. have had enough. Exactement. So they're going to marcher sur la Bastille. Pour what reason? What are they going to do there? Pour détruire ce symbole de l'injustice. We're gonna destroy it. Mm-hmm. It's going down. And actually, it's no longer there. Now it's just a circle with like ah, oui. a big statue in the middle mm-hmm. to commemorate this day. Oui. So they're going to marcher sur la Bastille pour détruire ce symbole de quoi? L'injustice. Okay. She's like, oh, that's what this is all about. C'est donc pour ça que le peuple est rassemblé. Right, so c'est pour ça que... Oui. That's why. Mm-hmm. I got up late today. C'est pour ça que my hair looks like this. I have time to do it. right? But c'est pour ça que tout le peuple... what's this verb? Rassemblé. They're assembled. Mm-hmm. Gathering here. Oui. C'est pour ça. So they chose la Bastille because that was the symbol de l'injustice. Un des symboles, oui. And here he tells us a little bit more about the bigger picture of injustice that's going on en France. Ce qu'ils espèrent, c'est mettre fin aux privilèges de la noblesse et du clergé. Il est temps, il dit. Now's the time. Mm-hmm. Enough of this. Voilà. Il est temps de, so we mettre fin à, to put a stop to, put an end to it. C'est ça. Mettre fin à. Bon, pas encore, mais après, il sera temps de mettre fin à cette leçon, Erika. Okay, but not yet. Not yet. We still haven't said what's going to happen. Okay. But they want to mettre fin à the privilège, which is, you know, obvious, of who? De la noblesse. So who are the la noblesse? Alors évidemment, c'est toute la monarchie. Mm-hmm. Le roi, la reine. Oui, mais en plus, on compte tous les aristocrates. Mm, there's like a whole class of the haves and the have-nots, right? Voilà. The mm-hmm. haves were that small group, la monarchie. Oui. And people who are just connected, good connections in the monarchie, right? Exactement, oui. So they want to mettre fin aux privilèges de la noblesse and also who? Et du clergé. The clergy. Mm-hmm. So what's that all about? Parce que le clergé avait beaucoup d'avantages aussi. Okay. Il touchait de l'argent. Uh-huh. Et donc, il vivait mieux que beaucoup de gens. So they were like the other group that was the advantaged, that had des privilèges. Aussi, ouais. So either you were in the noblesse. Oui. Or you had privileges. If you were in le clergé. Oui. You had privileges. And if you weren't, your life sucked. Il y avait tous les autres. Right. Which is why they're ready. They're like, listen, il est temps de mettre fin à all this. Il faut que ça change. Parce que l'heure de la révolution a sonné. Mm-hmm. And we're going to march sur la Bastille. It's exciting. So, this girl that just came, qui vient d'arriver de la campagne, mm-hmm. How does she feel about all this? She's like, well, you guys are crazy. Put those down. We're going to be in big trouble. Is that what she said? Elle réfléchit vite. Elle dit, mais... Je suis d'accord. Yeah, she doesn't have no problem with this. Uh-huh. Probably like most of les citoyens. La plupart, ouais. Mm-hmm. Eh bien, elle comprend que les richesses n'ont jamais été partagées équitablement. So, les richesses, mm-hmm. is how you say wealth, right? C'est ça, ouais. So, the verb here is partager. Oui. So, she says, les richesses n'ont jamais été partagées. Have never been partagées. Par exemple, ses vêtements mm-hmm. n'ont jamais été rendus à mon père. You still have them, those clothes? Ah, mais c'est pas moi qui les ai prises, c'est... I have some clothes qui n'ont jamais été rendues à ma mère. Ah ouais? Sorry, mom. Okay, anyways. So, here, les richesses n'ont jamais été partagées équitablement. Oui. So he's like, okay, so since you think just like us... Rejoins-nous. Come on, let's go. Viens avec nous. She has a little reservation, though. Elle n'a rien pour se battre à leur côté. So, se battre is the verb. It's a reflexive verb. That's how you say to do battle or to fight. Voilà, faire un combat. Yeah, je vais me battre. I'm mm-hmm. fighting. I'm going to do a battle. So, she says, je n'ai rien pour me battre à vos côtés, she says. He's like, don't worry about it. I got you covered. Il lui dit, prends cette arme, citoyenne. Now, let's look back at this word. Here, he says citoyenne, because it's a woman. Exactement. Or citoyen. Pour un homme. En fait, pendant la Révolution française, les hommes et les femmes n'étaient pas appelés monsieur ou madame, mais citoyen. C'était une façon de faire comprendre qu'on était du même parti. Yeah. On était ensemble. Mm-hmm. Citoyen, citoyenne. Voilà, en train de s'appeler. Rejoins-nous. Right. And the word for weapon. Arme. So, he gives her cette arme. Et maintenant, une autre grande phrase. Aujourd'hui, nous allons entrer dans l'histoire. Today, we're going down in history. Mm-hmm. And here we are, over 200 years later, talking about him. Et il n'avait pas tort. He was right, right? So... Et nous, nous allons juste écouter le dialogue une deuxième fois. Citoyens! Le grand jour est arrivé. L'heure de la révolution a sonné. Que se passe-t-il? Je viens d'arriver de la campagne. Tu n'es pas au courant, mon ami? Nous allons marcher sur la Bastille pour détruire ce symbole de l'injustice. C'est pour ça que tout le peuple est rassemblé? Oui, il est temps de mettre fin aux privilèges de la noblesse et du clergé. Je suis d'accord. Les richesses n'ont jamais été partagées équitablement. Alors, rejoins-nous. Je n'ai rien pour me battre à vos côtés. Prends cette arme, citoyenne. Aujourd'hui, nous allons entrer dans l'histoire. Okay, now let's talk about this day. We've already established the date of this event. On sait quand ça s'est passé. Le 14 juillet 1789. Mm-hmm. And you still celebrate this day every year. It's your Independence Day. Oui, c'est notre fête nationale, mm-hmm. car ce jour est considéré comme le début de la Révolution mm-hmm. française. But it didn't start right away, right? The revolution. It was just the first event that sort of led to it. Oui, voilà, après ça a pris du temps, ça a pris des années. Mm-hmm. Mais ça, c'était le premier événement qui l'a commencé. So, we got a little bit of sense during the dialogue of why the people were so unhappy. Voilà, on a parlé de la prison. Right. Et de gens qui étaient emprisonnés sans raison dans yeah. cette prison. And also because of the richesses. Qui n'étaient pas bien réparties. Uh-huh. Mais il y avait encore d'autres raisons. À ce moment-là, mm-hmm. il y a eu une augmentation du coût de la vie. Really? So things were more expensive. Mm-hmm. So everything was costing more, like the daily life. Voilà. Donc les gens étaient encore plus pauvres. Et ce qui a provoqué beaucoup de mécontentement dans la population. Yeah. They got poorer and poorer. Et la noblesse et le clergé just got richer and richer. Oui. And they weren't happy. Non, voilà. Donc le peuple n'était pas content. Et c'est ça qui les a poussés à se révolter. They had enough. They're like, listen, l'heure a sonné. La révolution commence. Voilà. Et donc, on a une énorme foule. Mm-hmm. 40 000, 50 000 personnes qui se sont rassemblées à Paris. That day, mm-hmm. 50,000 people in Paris. Ouais. To marcher sur la Bastille. Voilà. Wow. And you can imagine what like la noblesse and the clergé must have been thinking at that time. Whoa. They thought they were so safe. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, le roi, quand il a appris qu'il y a eu la prise de la Bastille, uh-huh. il a demandé, alors, il y a une révolte à Paris? What's going on? Ouais. Et on lui a dit, non, non, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. Okay, that's fascinating stuff, huh? Okay, if you have any questions about this lesson, or you want to talk about this fascinating historical event, come to frenchpod.com. Merci à tous, et au revoir. Au revoir.